Transfert. Bonjour, nous sommes le lundi 22 juin. Merci de vous réveiller avec Un autre jour est possible sur France Culture. Dans un instant, une nouvelle série en compagnie de l'éditeur et de l'écrivain Frédéric Brun qui va partager avec nous sa passion pour Novalis. Sur les traces de Novalis, premier épisode dans un instant. Et puis, en deuxième partie, un roman pour l'été. Mais c'est quoi un roman d'été? On en parlera tout à l'heure aux alentours de 6h20 avec Grégoire Delacour qui sort Les 4 saisons de l'été. La poésie est le réel véritablement absolu. C'est le noyau de ma philosophie. Plus c'est poétique, plus c'est vrai. Notre tête chercheuse de la semaine est écrivain et éditeur, Frédéric Brun, bonjour. Bonjour Toufik. C'est avec vous qu'on va aller sur les traces de Novalis cette semaine. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'un ouvrage qui vient de sortir, Novalis et l'âme poétique du monde, édité d'ailleurs par une nouvelle maison, Poésis, que vous avez lancée. Vous êtes donc éditeur maintenant. Oui, éditeur, c'est un bien grand mot. Disons que je préfère le terme de médiateur. De porter des idées qui me tiennent à cœur. Sur les traces de Novalis par Frédéric Brun, premier épisode donc aujourd'hui. Novalis, la poésie au centre de l'univers. Pourquoi Novalis dans le monde d'aujourd'hui d'abord, Frédéric Brun? Pour beaucoup de raisons. En fait, j'ai découvert Novalis, vous en souvenez peut-être, lorsque j'écrivais mon premier livre, Perla, à un moment où j'étais très touché par la disparition de ma mère, et j'ai découvert les propos de Novalis sur la mort. Il a été l'un des premiers poètes à donner un sens poétique à la mort, et ça a été pour moi, au départ, Novalis, une source d'apaisement. Après l'écriture de Perla, j'ai bien sûr voulu en savoir un peu plus, et au fil du temps, j'ai apprécié son œuvre, sa manière de vivre, sa philosophie de vie. Alors, comment le présenter aujourd'hui, Novalis? L'avez-vous lu en allemand, Frédéric Brun? Non, je ne l'ai pas lu en allemand, mais heureusement, il existe beaucoup de traductions. Novalis a été largement publié en France, donc j'ai pu profiter de toute son œuvre, de Henri d'Ofterdingen, des disciples à Saïs, des hymnes à la nuit, de son journal après la mort de Sophie, de ses fragments. Il y a vraiment multiplication d'ouvrages de Novalis en France, on ne peut qu'en profiter. De quelle époque Novalis est-il l'enfant? Alors, c'est vraiment une des raisons pour lesquelles Novalis m'a particulièrement intéressé. C'est qu'il est issu d'un mouvement qu'on appelle le premier romantisme allemand. Alors, il faut savoir que ce mouvement romantique est bien différent des autres mouvements romantiques en Europe. Parce que en Angleterre, par exemple, il y a eu un certain nombre de personnalités romantiques comme Keats, Shelley, Byron, donc on parle d'un romantisme anglais. Mais il n'y a pas eu un mouvement de pensée comme il y a eu à l'époque de Novalis. Novalis est arrivé à un âge d'or. C'était en quelle année? Cet âge d'or pour Alors, vous. Cet âge d'or, il est né en 1772, donc Je dirais qu'il a commencé son œuvre littéraire à peu près à l'âge de 18-20 ans, donc on pourrait parler de 1790. C'est un âge d'or qui a duré essentiellement entre 1790 et 1800. Et Novalis a été vraiment le représentant le plus pur et le plus singulier de ce romantisme allemand, parce qu'il n'était pas le seul. On va certainement avoir l'occasion d'en reparler, mais il était associé avec de grandes personnalités, des esprits brillants de son époque, comme les frères Schlegel, Tieck, et puis des scientifiques, des philosophes. Comment il va se distinguer, Novalis? Novalis va se distinguer déjà par son œuvre de création, parce qu'il va être très original. Il faut savoir que Novalis, on a tendance à l'oublier, et un précurseur, un possible fondateur du roman moderne. Parce que dans son roman Henri d'Ofterdingen, il a été le premier à mélanger le rêve et la réalité, à introduire l'importance de l'inconscient, à déstructurer le roman. Donc son roman Henri d'Ofterdingen est d'une grande modernité. Et déjà, il va se distinguer par ses ambitions créatives. C'est la première chose. Ensuite, il va se distinguer par sa grâce, sa spiritualité. On l'a appelé dans son groupe le Christ romantique. C'est vrai qu'il est un mélange de poète, de religieux, de philosophe, de scientifique, et c'est ça qui est très intéressant. Mais comment est-il arrivé à ce groupe, à ce mouvement Novalis? Quelle est son histoire personnelle, Frédéric Brun? Novalis est né dans une famille très pieuse, avec un père très rigide qui a tenté de l'éduquer vraiment dans un cadre très précis. Il l'a envoyé chez son oncle pour le formater, je dirais, d'une certaine manière, dans cette noblesse allemande de l'époque. Et tout de suite, Novalis a cherché à s'en dégager. Novalis a enchaîné rapidement avec des études très sérieuses. Il a été brillant au collège, puisque au collège, déjà, il a appris le grec et le latin, commencé à traduire des poètes classiques. Et il a fait des études universitaires assez poussées. Donc, il vient d'une noblesse au départ un petit peu fermée sur elle-même, mais quand même assez ouverte pour aller vers le monde contemporain qu'il va pouvoir découvrir. Et comment Novalis va-t-il mettre la poésie au centre de l'univers, comme vous dites, Frédéric Brun? Alors, il va mettre la poésie au centre de l'univers dans toute son œuvre, dans ses fragments, dans son roman Henri d'Ofterdingen. Parce qu'il a été nourri de poésie? Parce qu'il sentait qu'il voulait que la poésie soit au centre de toutes les disciplines et soit aussi capable de les relier entre elles. C'est dans ce sens qu'il a dit, par exemple, plus c'est poétique, plus c'est vrai. La poésie est le réel absolu, c'est le noyau de ma philosophie. La poésie est vraiment au centre dans Novalis. Pourquoi au centre? Parce qu'il faisait plus confiance à l'intuition, à l'élan poétique, au regard innocent qu'on pouvait porter sur le monde, que finalement à l'accumulation d'expériences qui, d'après lui, nous menait vers une impasse. Donc il voulait vraiment expliquer comment on pouvait ressentir l'univers de manière poétique. Incommensurable et inépuisable est le monde de la poésie, de même que la nature, dispensatrice de vie, l'est en plantes, animaux et formations de toutes formes et de toutes couleurs. C'est au point que ces œuvres artificielles ou ces formes qui ont nom de poème, même l'esprit le plus vaste le saura insuffisamment pour tous les contenir. Et que sont-ils comparés à la poésie sans forme ni conscience qui palpite dans les plantes, rayonne dans la lumière, sourit dans l'enfant, étincelle dans la fleur de jeunesse, s'embrase dans le cœur aimant des femmes? Ça, c'est un extrait de ses textes les plus célèbres, Entretien sur la poésie. Alors ce fragment est de Schlegel, en fait. Mais avec les frères Schlegel, ils avaient aussi parfois la possibilité dans leur revue de ne pas signer précisément leurs fragments. Je trouve que cet extrait est tout à fait fabuleux parce qu'il résume bien l'élan poétique de ces intellectuels de se tourner vers une poésie qui n'est pas particulièrement la poésie du verbe, mais la poésie du monde, quoi. La poésie du monde, qu'ils ont nommé d'ailleurs de manière symbolique poésie de l'infini, poésie absolue, poésie originelle. Voilà, c'est cette poésie dont Novalis veut nous parler dans son œuvre. Quelles sont les premières publications de Novalis, Frédéric Brun? Alors, la première publication de Novalis a été les fragments sous le titre « Grain de pollen » qu'il a envoyé à la revue L'Athénaeum. Ce sont des fragments qu'il a voulu signer Novalis, qui est en fait un pseudonyme, parce que Novalis s'appelait Friedrich von Hardenberg. Mais il n'a pas voulu que ses parents soient au courant, que la noblesse de l'époque soit au courant de ce premier écrit. Donc il l'a signé Novalis, qui est un très beau pseudonyme puisqu'il vient de Novale et qui signifie terre à défricher. Et que disait-il dans ces fragments, dans ces premiers fragments publiés, partagés? On est dans ce sujet de la poésie du monde. Il y a vraiment des phrases magnifiques. Le premier fragment, par exemple, que nous trouvons dans « Graines pollen » est « Nous cherchons partout l'inconditionné et ne trouvons que des choses ». On est dans la métaphysique, là, c'est de la philosophie. Non, je pense que Novalis a voulu dire que justement, par l'expérience, par les études, nous ne pouvons trouver que des choses et que grâce à la poésie, nous pouvons aller vers l'essentiel. Enfin, c'était une manière d'introduire ces premiers fragments. Merci Frédéric Brun, on se retrouve demain, toujours sur les traces de Novalis. À demain. À demain. Ich sag es jedem, dass ihr lebt und auferstanden ist, dass ihr in unserer Mitte schwebt und ewig bei uns ist, und ewig bei uns ist. Ich sag es jedem, jeder sagt es seinen Freunden gleich, dass bald an allen Orten tat das neue Himmelreich, das neue Himmelreich. Jetzt scheint die Welt dem neuen Sinn, ist wie ein Vaterland, ein neues Leben nimmt man hin, entzückt aus seiner Hand. Entzückt aus seiner Hand, hinunter in das tiefe Meer versank des Todes Graun, und jeder kann nun leicht und hehr in seine Zukunft schauen, in seine Zukunft schauen. Es kann zu jeder guten Tat ein jeder frische Grün, denn herrlich wird ihm diese Saat in schönen Fluren blühen, in schönen Fluren blühen. Er lebt und wird nun bei uns sein, wenn alles uns verlässt. Und so soll dieser Tag uns sein, ein Weltverjüngungsfest, ein Weltverjüngungsfest. Un autre jour est possible. Par Toufik Hakem. Tous les matins sur France Culture. Though we gotta say goodbye for the summer, darling, I promise you this, I'll send you all my love every day in a letter sealed with a kiss. Guess it's gonna be a cold, lonely summer, but I'll fill the emptiness. I'll send you all my dreams every day in a letter. kiss. I'll see you in the sunlight. I'll hear your voice everywhere. I'll run to tenderly hold you, but darling, you won't be there. I don't wanna say goodbye for the summer, knowing the love we'll miss. Oh, let us make a pledge to meet in September and seal it with a kiss. Cold, lonely summer, but I'll fill the emptiness. I'll send you all my love every day in a letter sealed with a kiss, sealed with a kiss, sealed with a kiss. Et maintenant, l'invité culturel. Bonjour Grégoire Delacour. Bonjour. Vous n'avez aucun mal à vous réveiller de bon matin pour venir parler de vos livres. Ah si, c'est dur, mais pour parler de ce livre, je me lève tôt, s'il le faut. Novalis, un mot sur Novalis avant de passer aux quatre saisons de l'été. Est-ce que c'est un poète qui vous a accompagné, Grégoire Delacour? Non, je suis désolé, il ne fait pas partie de mon cercle de poètes apparus. Alors? Et dans votre cercle de poètes? Ah ben moi, je suis un inconditionnel de Follin, de Saint-Jean-de-Perse, et jusqu'aux poètes chanteurs plus tard, les Ferré, les Ferrat, tous ces gens-là qui sont une poésie pour moi d'aujourd'hui. Bon, ben c'est une bonne proposition que celle de France Culture de vous donner envie de découvrir Novalis. Grégoire Delacour, vous êtes auteur, entre autres livres, du best-seller La liste de mes envies, et vous revenez donc toujours chez Lattès avec les quatre saisons de l'été. On pourrait même dire que c'est la liste des histoires d'amour de notre vie, c'est parce que cette fois-ci vous mettez en scène quatre histoires d'amour sur les longues plages du Touquet. Un été, l'été 1999, donc à six mois d'une possible fin du monde. Donc dans une accélération des désirs avec quatre donc couples, un couple de 15 ans, donc il s'agit du premier amour, un couple de 35 ans avec la nostalgie d'une femme qui est seule avec son enfant, qui espère retrouver un amour aussi grand, aussi intense que son premier amour, une femme de 55 ans, et pour dire que à 55 ans rien n'est encore perdu, qu'on peut une fois de plus, rencontrer l'amour. Et puis enfin, cette histoire poignante de ce vieux couple de 75 ans. Et là, il s'agit d'expliquer comment on peut terminer une histoire d'amour. Et donc, comment on peut terminer une histoire de vie. Qu'est-ce qui vous a donné envie de traiter ce sujet et de choisir quatre périodes très différentes de notre existence sur Terre, Grégoire Delacour? Mais en fait, je sortais d'un livre, le précédent, ne voyez que le bonheur, qui était un livre sur le mésamour dans une famille. Et c'est vrai que pour en sortir, même physiquement, je suis sorti un peu ébranlé du précédent roman, j'avais envie d'une histoire d'apparence plus légère, donc l'amour, j'avais envie d'une histoire d'amour, voilà. Et j'avais envie d'histoire d'été, de l'été, pour moi c'était très important. Parce que l'été, c'est le pays de l'amour. C'est un endroit où tout est différent, les corps sont déjà visibles. On se cache pas, il n'y a pas les manteaux, il n'y a pas les... Tout ce grand langage à longueur d'année, on essaie de découvrir une jambe, une épaule, la forme d'un sein ou des abdos chez un garçon. Donc il y avait d'autres choses à vivre, les choses vont beaucoup plus vite, tout est là. Si j'ai envie de dire, alors c'est quoi les tentations, les possibilités, les audaces d'ailleurs, la chaleur, les apéros, enfin il y a plein de choses qui font que l'été, c'est une période beaucoup plus sensuelle, beaucoup plus directe, beaucoup plus cruelle aussi. Donc j'aimais bien cet été-là. Et puis pourquoi quatre époques de la vie, parce qu'en fait, ça correspondait peu ou prou à des grands moments d'émotion de nos vies humaines. Alors, j'aurais pu décider d'écrire le même couple à travers 50, 60 ans, mais j'ai pas envie de faire 60 ans d'une histoire qui se passe sur 60 ans. Et donc, puis, ça vous intéressait de rester dans la seule année de 1999. Voilà. Et j'ai décidé de faire quatre couples en 99, comme vous l'évoquiez, Fin du monde possible en juillet par Nostradamus, Paco Rabanne quand même, n'oublions pas, qui avait annoncé avec grande conviction à la télé la fin du monde, et puis le bug de l'an 2000, tout allait tomber, les avions, les ordinateurs, les pacemakers, enfin tout allait bousiller. C'était intéressant de dire, voilà, il y a une menace, il y a 6 mois à vivre, qu'est-ce qu'on vit quand il n'y a pas l'éternité devant soi? Or, on dit que l'amour, c'est pour toujours, et là, ça ne peut pas être pour toujours. Donc, j'avais envie de travailler ces urgences, ces mélancolies, ces gourmandises, ces sauvageries de l'amour. Et pourquoi le Touquet? Alors, le Touquet, parce que c'est la première fois, je crois, d'après ce dont je me souviens, y avoir vu la mer. Évidemment, on est arrivé à Marée Haute le soir. On a dû ouvrir l'appartement avec mes frères et sœurs et les parents. Et le lendemain, on s'est réveillé vite pour voir la mer. Elle n'était plus là. Et j'ai pleuré, je m'en souviens, c'était épouvantable. Et j'ai dit, mais où est la mer? Et mon père m'avait pas parlé des marées, et la mer est très très très très loin. Et j'y suis retourné plusieurs fois, c'est vrai que, étant de Valenciennes, c'est un endroit qui était pas trop loin, une mer jolie et pas trop loin. Et dans ce phénomène des marées, j'ai vu un peu une métaphore de l'amour, c'est-à-dire on traverse une rue, on traverse un département, on traverse un pays pour aller vers quelqu'un d'autre. Et puis parfois il est là et parfois il est pas là. Quand il n'est pas là, on dit bah c'est fini, et il revient quand même. Donc je trouvais qu'il y avait un va-et-vient, une sorte de balancier comme ça, autour de qui symbolisait l'amour, je trouvais, qui me plaisait bien. Avant de parler des personnages, et chaque personnage est associé à un nom de fleur, donc ce livre, votre livre, Grégoire de la Cour, c'est un peu un bouquet de voix et un bouquet de fleurs. En quoi votre vie a-t-elle influencé celle des personnages fictifs de votre roman? Bah, les fleurs, c'est un langage des timides, c'est un langage de ceux qui n'ont pas des jolies phrases, c'est un langage de ceux qui veulent pas qu'on les entende à part la personne à qui ils s'adressent. Et je trouvais ça intéressant d'oser un moment s'exprimer dans une langue très très courtoise, très précise, très précieuse, et de remettre un peu d'élégance, de courtoisie justement dans la manière de déclarer un amour. C'est très très dur d'être repéré par quelqu'un, d'être vu par l'autre. C'est difficile, qu'est-ce qu'on lui dit? Je t'aime, ça veut rien dire. Ça veut dire tout sauf je t'aime, on sait pas ce qu'on aime. On a envie de dormir avec quelqu'un, on a envie de le toucher, on a envie de l'embrasser, on a envie de le manger, on a envie de sortir, on a envie de le revoir. Mais le langage des fleurs était très très très précis sur la nature d'un sentiment amoureux. Donc j'aimais bien utiliser ça aussi comme un fil rouge entre tous ces personnages, une sorte voilà de langage courtois de l'amour. Je trouvais une période où tout va super vite, où les gens ont plutôt tendance à une relation sexuelle, et c'était, au fait, après la relation, comment tu t'appelles? Là, j'aimais bien un petit peu ce temps d'avant, ce temps de défeuillage. Et ces personnages, ce sont des personnages que vous avez pu rencontrer dans votre vie, ce sont des personnages qui peuvent vous ressembler, qui vous ressemblent à un certain moment de votre vie, Grégoire de la Cour, ou c'est complètement de la fiction et que vous avez imaginé ces quatre couples? Non, j'ai pas assez d'imagination pour faire 100% de fiction. Il y a toujours des petits morceaux de moi ou de gens qui me sont proches, ouais, dans les personnages. Moi, je suis nostalgique du grand amour. Je veux dire, je rêvais à 15 ans qu'on puisse mourir d'amour. Donc, le personnage, le petit Louis dans le premier chapitre, est prêt à mourir d'amour. C'est un romantique absolument incroyable. Il a 15 ans, il attend son amoureuse qui a 13 ans, mais depuis des années, il est amoureux. Mais il attend avec dignité qu'elle soit une femme, entre guillemets, pour pouvoir l'embrasser, pour pouvoir... Et bon, bah, il va déchanter peut-être. Mais ça, il y a eu, je me suis nourri de petits chagrins, de premiers râteaux même dans l'adolescence qui m'ont marqué. J'ai essayé de les dompter, de se dire au fond, même un chagrin d'amour, c'est une forme d'amour. Pimprenel, c'est fini. Et si on passait à Jacinthe cette fois-ci? Ah ben, Jacinthe, c'est une femme, j'aime beaucoup. Il y a une lectrice qui m'a envoyé un mot très beau à propos de Jacinthe. Elle m'a dit, c'est incroyable comment vous avez su raconter la douleur d'une femme qui est mal aimée. Et ça, je trouvais touchant, ces femmes qui sont larguées, abandonnées au bout de 10 ans, qui ont un ou deux enfants et qui, 35 ans, sont encore super jeunes, encore faites pour l'amour, qui rêvent encore d'une première fois et qui en sont peut-être privées parce qu'elles n'ont pas été correctement aimées. Ça, et pour terminer, très Rose, Grégoire de la Cour. Ah bah, Rose, c'est un couple de personnes qui ont 75 ans, qui ont traversé plus d'un demi-siècle ensemble. Ils se tiennent la main. D'ailleurs, leurs voix se confondent dans votre livre. Hein. Oui, ils ne font plus qu'un. Et c'était intéressant pour moi de dire comment on finit une histoire d'amour. On sait comment on la commence, mais est-ce qu'on peut la finir? Est-ce qu'on peut l'arrêter, la finir dans la dignité, garder que le meilleur. Et ça, je rêve, mais vraiment romanesquement et romantiquement, d'avoir leur courage. Nous ne nous parlions jamais d'amour entre nous. Il nous semblait sans doute miraculeux d'avoir survécu aux années de guerre, de nous en être sortis et de nous être retrouvés. C'était peut-être là notre conjugaison amoureuse. Depuis notre promesse terrifiée sur le sable ensanglanté du Touquet en 1943, nous craignions tout ce qui pouvait se perdre, et les mots d'amour sont les plus volatiles qui soient. Mais nous nous aimions. Nous nous aimions entre les mots et entre les lignes, dans le silence et les regards, dans les gestes les plus simples. Nous nous aimions dans le plaisir précieux de nous retrouver souvent. Nous nous aimions en marchant sur la digue d'un même pas, en regardant les mêmes jolies choses. C'est une très belle histoire, elle est très poignante, hein. En plus, elle est triste, Grégoire Delacour. Est-ce qu'on peut dire que les quatre saisons de l'été, c'est un roman de l'été? C'est un roman. Quelle est votre définition, d'ailleurs, du roman de l'été? C'est un roman qui est un peu léger, qui parle des choses de la vie. Non, le roman de l'été, c'est un roman qui s'adresse à des gens qui vont vraiment rentrer dans un texte, puisqu'ils vont avoir le temps de lire, au lieu des 5 ou 10 minutes par jour. On a le temps, on peut se dire, je lis en une traite. Je lis en une fois, je prends ma matinée, mon après-midi à l'ombre d'un jardin, ou sur une plage pour le lire. Je crois que c'est un roman qui peut emmener les gens très loin et vite. Dans l'année, on bosse, on lit des petits bouts de livres. C'est ça. Alors après, que ce soit gay ou... pas tout le monde. Pardon ? Pas tout le monde. Non, pas tout le monde, je sais bien, mais pas assez en tout cas. Mais donc je crois que c'est ça, c'est un roman dans lequel on a envie de plonger, de s'abandonner, de rêver d'autre chose, de prendre le temps de ressentir aussi des choses. Mais vous le saviez que ça allait être un roman de l'été, par exemple ? Non, ça c'est... style roman de l'été ? Non, ça c'est l'éditeur qui décide la date de sortie. Moi j'ai fait un roman, qui se passe l'été, donc on peut lire des très belles histoires d'hiver l'été et vice-versa. Les 4 saisons de l'été chez Jean-Claude Lattès. Merci Grégoire Delacour d'être passé ce matin. Merci à vous, je vais retourner me coucher. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. Oh, well, my mom and papa told me, son, you gotta make some money. But if you wanna use the car to go a ride next Sunday. Oh, well, I didn't go to work, told the boss I was sick. You can't use a car cause you didn't work or live. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. I'm gonna take 2 weeks, gonna have a fine vacation. I'm gonna take my problem to the United Nations. Well, I called my congressman and he said, quote, I'd like to help you, son, but you're too young to vote. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime. C'était Un autre jour est possible, à retrouver sur franceculture.fr pour une écoute en différé ou en podcast. On se retrouve demain à la même heure, toujours en compagnie de Frédéric Brun pour parler de Novalis. Et en deuxième partie, nous recevrons un jeune auteur de la Seine-Saint-Denis, Ryan Wamara, qui sort au pied du mur. Merci de votre fidélité, merci d'être de plus en plus nombreux à nous podcaster en passant par la page de l'émission disponible sur franceculture.fr. Bonne matinée et à demain.